Mais, je ne sais pas si on en a parlé. Il y a eu un événement hier matin. Vous en avez parlé? OK, bon, c'est bon. Une bénédiction. Et il y a eu un autre événement aussi hier, mondial. Le mariage princier, plutôt que de Mégane, là. Y en a-t-il qui l'ont écouté un peu, puis ont écouté les commentateurs, soit à TV5 ou ailleurs? Est-ce que c'était beau? Oui, hein? Beaucoup de richesse. Ben ça, c'est extraordinaire. C'est exactement là où je voulais aller. C'est que ça nous fait. Un mariage princier, on n'en a pas souvent, hein? Surtout de cette ampleur-là. 3 milliards de personnes qui auraient écouté ça sur la Terre. Je me demande ce que les Africains feraient ça, font avec ça dans certains coins, là, mais quand même, tu sais. C'est glorieux, hein? C'était resplendissant. La mariée était super belle. Le marié aussi. Et il y avait. Ça fait réfléchir à ce que Dieu est en train d'organiser pour son fils avec une mariée parfaite. Ce que j'ai moins aimé dans cette histoire-là, c'est quand la mariée prononce des vœux qu'elle a déjà prononcés avec quelqu'un d'autre. C'est évidemment ça, c'est pas le cas de l'Église. On est d'accord? Mais ça, c'est humain. Ils connaissent pas Dieu, fait qu'on peut pas leur demander d'être responsable devant la parole de Dieu. Il faut qu'ils soient responsables devant Jésus-Christ. Vous êtes d'accord? Mais c'était glorieux. Ça nous fait réfléchir à ce qui s'en vient. Et pour ça, je bénis Dieu. Même si dans tout ça, il y a beaucoup d'orgueil humain, il y a beaucoup de sortes de choses. Extraordinaire. Ce matin, on va continuer dans l'évangile selon Saint Matthieu. Selon Matthieu. Saint, il est saint, ça, on n'en doute pas. Mais s'il est saint, nous aussi. Fait que Saint Roger, ou Saint Jean-Claude, ou Saint Michel, etc. En introduction, on va lire un passage dans Corinthiens, par contre. 1 Corinthiens 2, 3 à 10. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Intéressant, ça parle beaucoup de mystère ici, c'est un peu le sujet qu'on va regarder dans l'Évangile de Matthieu. Et l'énorme privilège que Dieu nous fait, on va remettre mes lunettes parce que j'ai de la misère à voir. Il faut que je les enlève pour lire le texte. L'énorme privilège qu'on a, nous, d'être inclus dans les révélations que Dieu fait de ses mystères. Et que ce n'est pas donné à tout le monde. Et ça mérite qu'on s'y attarde et qu'on s'en réjouisse. Même dans notre misère ou dans nos difficultés, dans nos épreuves de foi. Quand je parle de misère ici, je parle des épreuves qu'on peut vivre dans la foi, tous et chacun. Il n'y en a aucun d'entre vous qui est exempté, et surtout pas moi, on est tous dans le même combat de foi. C'est important qu'on se rappelle des choses que Dieu nous a données en privilège en attendant justement les noces de l'agneau, la révélation des enfants de Dieu que nous sommes à la face du monde entier. Et on revient dans l'évangile de Matthieu. On va aller au Matthieu 13 ce matin, on peut toujours tourner là. Mais je ne l'irai pas tout de suite. Faire un petit résumé rapide. À date, on a vu dans l'évangile de Matthieu que c'est d'abord le roi, le Messie, qui est privilégié, hein, le roi. Donc, si on regarde par chapitre, le premier chapitre, c'était sur l'autorité royale de Jésus-Christ par sa naissance, principalement. Chapitre 2 est principalement consacré aux prophéties qui se sont accomplies à sa naissance et les prophéties qu'on a émises à son sujet. Chapitre 3, c'était le ministère de Jean-Baptiste, le précurseur, le baptême de Jésus-Christ, sa victoire sur les tentations, sur le diable. Après ça, bon, chapitre 4 commence le ministère en Galilée. Hein? Il quitte Nazareth pour s'installer à Capernaum. On va y revenir tout à l'heure. Tu vas pouvoir mettre les photos? C'est deux fichiers de PDF. Il y en a une qui est marquée 1 et l'autre est marquée 2. Ah ben. Compliqué. Ben, il y a un titre avec, là, mais je ne me souviens plus du titre. Chapitre 5, 6 et 7, ben, c'est le discours sur le trône. Le roi établit les règles de fonctionnement de son royaume. On voit que Dieu nous révèle ici la personnalité du roi, du Messie qui règne. Après ça, 8 et 9, c'est les miracles en Galilée qui sont accomplis. En Galilée, les miracles qu'on ne peut qu'attribuer qu'au Messie. Chapitre 10, c'est l'appel des 12 et de la mission qui va leur être confiée ou qui est confiée dans le cadre de visiter les villes en Israël d'abord, mais on sait que ça déborde beaucoup plus de simple visite des villes en Israël. C'est les principes qui vont accompagner tous les croyants jusqu'à au retour de Jésus, dans le fond. Chapitre 11, c'est le témoignage sur Jean-Baptiste. Hein? Qu'êtes-vous donc allé voir? Hein? Et l'appel à la paix de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car mon joug est doux, mon fardeau léger. Ça va bien quand on a des versets à plus par cœur, ils ressortent des fois, correct. Chapitre 12, ben là, on a un début de confrontation sérieuse contre le Messie. À une certaine place, Jésus, les pharisiens se concertaient pour le tuer, il a quitté le lieu, il est allé ailleurs. Mais le chapitre 12 est consacré à d'autres débats avec les pharisiens. Et c'est vraiment là, on commence à durcir la ligne. Ceux qui sont contre Jésus, c'est la confrontation qui débute. Et ça va être de même jusqu'à la résurrection. Évidemment, la confrontation finale va intervenir avec la croix. Mais ils ne gagneront pas parce que Jésus ne restera pas dans le tombeau. Et dans ce contexte-là, s'insère, c'est Dieu qui insère le chapitre 13 où il nous est raconté, en résumé, on appelle ça le chapitre des sept paraboles du royaume. On va s'attarder à essayer d'en comprendre. Je ne peux pas passer à travers le chapitre avec vous ce matin, c'est trop long. On va laisser de la place à d'autres. De démolir, comme j'ai dit à Michel, j'ai dit, m'en profiter. D'abord que je passe après toi, je vais démolir ce que tu as dit la semaine passée. Il prend sans rien, il savait que je ne ferais pas ça. C'est que c'est l'enseignement sur les mystères du royaume par des paraboles. Et là, on va lire notre texte. On va lire ce matin les 23 premiers versets. Matthieu 13. Tu peux mettre les photos, la première photo, si tu veux. Je vais juste vous localiser un petit peu pour savoir la peine, avant qu'on lise. Wow! Évidemment, c'est pas agrandi plus qu'il faut, mais vous voyez le Capernaum? Wow! On va voir au milieu, en bas, là, près de l'eau. Bon. Il ne reste plus grand-chose à Capernaum aujourd'hui. Là où il y a une croix de chemin, là, un petit peu plus haut, c'est probablement... Il y a une église construite sur les vestiges de la maison de Saint-Pierre. Ça vaut ce que ça vaut, là. Probablement qu'à l'époque, on parle qu'il y avait probablement 1500 à 2000 personnes. Donc, Capernaum est comme rayé de la carte aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'agriculture autour, là, mais le village de pêcheurs... Vous souvenez-vous de la parole que Jésus a dite? Hein? Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. C'est intéressant, hein? Quand c'est en bas avec le pointillé, avec la flèche rouge, c'est à peu près à 1200 mètres, 1500 mètres à peu près du centre du village. On ne sait pas ce qu'il était vraiment. C'est une belle baie qui correspond à peu près à l'endroit où Jésus, où notre lecture de parabole va avoir lieu. J'ai identifié les deux montagnes. On n'est pas sûr du site exact du sermon sur la montagne qui a eu lieu aussi près de Capernaum. Si tu regardes la montagne 1, montagne 2, on ne sait pas lequel des deux. Les historiens sont un petit peu divisés là-dessus, fait que c'est pas moi qui va trancher. Mais c'est deux montagnes qui auraient pu se prêter au sermon sur la montagne qu'on a vu précédemment, là, le discours du tronc. Ça va? L'autre, c'est photo. C'est une photo... Vous voyez le petit cercle rouge, là? C'est le même cercle rouge que sur l'autre. Voyez-vous, hein, une espèce d'enceinte naturelle. Fait que quand il n'y a pas de vague, ça a bien de l'allure de monter dans une barque et de parler à une foule qui serait assise sur le rivage. Mais c'est pas sûr, là. Hein? Le lac, il est plus grand que ça. Puis peut-être que j'ai juste choisi un autre endroit. Mais ça aurait pu être cet endroit-là, qui est quand même pas tellement loin de Capernaum. Fait qu'on va lire. Vous allez voir que ça vous donne un petit peu plus l'image du lieu. Ce même jour, Jésus sortit de la maison. La maison ici étant sous-entendue, la maison de Pierre à Capernaum, parce qu'il a établi son quartier général là. Il s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque. Et il s'assit. Et toute la foule se tenait sur le rivage. Donc, c'est à peu près le contexte qu'on a vu tout à l'heure sur la photo. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit. Je veux s'arrêter ici sur beaucoup de paraboles. En parabole sur beaucoup de choses. Le chapitre 13 de Matthieu ne raconte que 7 paraboles. Et vous allez voir qu'il y a 2 lieux de prédication des paraboles. Les 4 premières sont dans la barque. Les 3 dernières, ils retournent dans la maison. Et ça a lieu plus en privé. Ça change au verset 36, qu'on ne lira pas ce matin, mais je vais juste vous le souligner. Alors, il renvoya la foule et il entra dans la maison. C'est toujours la même maison. Donc, il retourne dans la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ, qui est la deuxième parabole dans la liste qui est donnée dans Matthieu 7. » Donc, on doit convenir qu'ici, Matthieu ne raconte pas tous les paraboles que Jésus a données dans l'enseignement dans la barque, mais il en a choisi 7. Bien, c'est le Saint-Esprit qui en a choisi à travers Matthieu pour nous les rapporter aujourd'hui. Ça va? Il leur parla, verset 3, en parabole sur beaucoup de choses, et il dit, « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et les truffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende! Je ne pense pas que Jésus a changé de ton de voix, là, mais c'est solennel. Les disciples s'approchèrent. Et dire, pourquoi tu leur parles en parabole? Nous autres, on ne comprend rien, même toi, eux autres. Non, c'est pas dit ça. C'est pas dit dans le texte. Mais c'est une question extrêmement importante parce que Jésus va y répondre à cette question-là. Vous êtes d'accord? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux, deuxième fois qu'il dit, hein, parce qu'à vous ça a été donné. Il dit pas, c'est pas la deuxième fois qu'il dit heureux, là, mais c'est heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Mais quand il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, il revient avec le même sujet, c'est heureux parce que vos oreilles entendent. Pourtant, les disciples n'avaient rien compris de la parabole. Encore à ce moment-là. Je vous le dis en vérité. Et là, c'est un autre passage qui est repris dans d'autres livres du Nouveau Testament. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, ne l'ont pas entendu. Ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. On va s'arrêter juste un petit moment ici. Le sens de Capernaum, c'est un village intéressant en termes de signification du nom. C'est composé de deux mots, Capernaum, Kaphar, ça veut dire village. Naum, village de Naum. Il paraît que le prophète Naum aurait vécu pas tellement loin de cet endroit-là. Un village qui s'appelle El-Kosh. Je n'ai pas pu retrouver la trace de ce village-là, mais c'est pas grave. Le sens de Naum, c'est compassion. Donc, vous pouvez facilement faire un lien ici, village de la compassion. Merci beaucoup. J'allais faire une demande. Excusez. J'ai attrapé une grippe, je ne sais pas comment, mais ça dure depuis 2 semaines, quasiment. Fait que c'est intéressant, un village de la compassion. Si on fait une traduction libre, pas traduction libre, mais une traduction étymologique ou significative, non? Et c'est intéressant parce que Dieu a manifesté beaucoup de compassion à Israël à cet endroit-là. Par des miracles, c'est sûr, mais par l'enseignement, par le temps que le Seigneur a consacré à toute cette région-là. Évidemment, Jésus s'est promené autour de Capernaum. Il n'est pas resté là tout le temps, mais il revenait constamment au camp de base, si vous voulez. C'est de là qu'il rayonnait en Galilée. Donc, Capernaum a été visité comme peu de villages ont été visités. L'autre point qui est intéressant, probablement que Matthieu, il y avait un poste de péage pour les droits et douanes et taxes que les Romains prélevaient. Et Matthieu était percepteur d'impôts, donc il connaissait bien la région. Probablement qu'il était de cette région-là, ou du village même de Capernaum. OK? L'appel de Matthieu, c'est raconté dans l'évangile de Matthieu qu'on a vu précédemment. Mais il faut surtout voir l'action de Dieu envers Israël, ici, et envers son peuple, qui à ce moment-là est Israël. Une œuvre de compassion. Que beaucoup de personnes dans l'histoire de l'humanité ont pu vivre, parce qu'ils ont eu le privilège de voir le Messie en action régulièrement. Que ce soit par l'enseignement, que ce soit par les miracles qui ont été accomplis, toutes sortes de choses qui se sont produites là. Et quand on lit l'évangile de Matthieu, on ne lit pas nécessairement tous les événements qui sont racontés dans les autres évangiles, mais qui sont produits aussi dans cette région-là. Et rappelez-vous, quand Jésus va à Nazareth, la première fois, c'est raconté dans l'évangile de Luc. Fais ici dans ta patrie. Jésus dit ça, il dit, vous allez m'appliquer ce proverbe. Fais ici dans ta patrie ce que nous avons entendu dire que tu as fait à Capernaum. Hein? Rappelez-vous de ça? Donc, il y en a fait des choses à Capernaum. Mais jusqu'à ce que les pharisiens, puis les chefs de juifs, les scribes, commencent à vraiment confronter Jésus, Jésus avait un enseignement plus ouvert, moins axé avec des paraboles. À partir de ce moment-là, et les disciples le remarquent, c'est pour ça qu'ils posent la question, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Et là, Jésus va établir un principe qui va aller jusqu'à son retour. À vous, sous-entendu les enfants de Dieu, bien qu'ils vont être de vrais enfants de Dieu à partir du moment où le Saint-Esprit va venir, mais ils sont déjà en devenir, si vous voulez, à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, pas à ceux du dehors. Fait qu'eux du dehors, ils vont entendre, mais ils vont se pendre avec la parole, excusez l'expression, ils vont s'étouffer avec parce qu'ils ne comprendront pas. Et les disciples sont étonnés, hein? Ils questionnent Jésus là-dessus, et Jésus leur affirme, regarde, ça a été prophétisé. Et non seulement ça a été prophétisé, mais c'est pour votre bonheur que c'est comme ça. C'est le privilège du croyant, pas des incroyants. Évidemment, un incroyant qui cesse d'être incroyant, qui devient croyant, il finit par bénéficier du privilège. Vous comprenez le point ici. Ceux qui veulent confronter Jésus-Christ vont confronter jusqu'à la fin. Et ils ne bénéficieront pas du privilège. Et pourtant, il y a tellement de... Quand vous écoutez les docteurs de différentes religions là, qui disent n'importe quoi au sujet des Écritures, écoutez, ils ont l'autorité, on les met dans des chaires élevées sur la terre, puis c'est eux qu'on interroge à la télé, c'est pas nous qu'on interroge sur la vérité, tout ça. Nous, on se fout de nous. C'est ces gens-là. Et pourtant, ils n'ont rien compris. On n'a pas besoin de les écouter longtemps pour voir à quel point ils n'ont rien saisi. Michel. Oui. À ceux qui l'aiment. Oui. À ses sens là, que Dieu donne à son esprit, à ceux qu'il aime, qui permet de voir en Dieu et d'entendre Dieu. Je sais tout ça extraordinaire dans le fond, parce que c'est le sens, il me semble, que les oreilles pour entendre. Ça va? Avez-vous d'autres points? Profitez-en. Christian? Oui, Gilles. Il dit, je place mon message à l'abri, je mets sous clé les instructions que j'ai à transmettre, je ne les confie qu'à mes disciples. Je ne les confie qu'à mes disciples, qu'à mes enfants, qu'à mes... 8-16, Ésaïe 8-16. Donc, si s'accomplit les prophéties concernant le Messie, Israël devient de plus en plus insensible de façon globale, pas de façon absolue. Il y a des Israélites qui suivent Jésus, là. Et ces Israélites-là, c'est par eux que l'Église va être établie. Pas seulement que les 12, mais tous ceux qui vont avoir suivi Jésus, qui vont se convertir. Mais la grande majorité de la nation a rejeté son Messie. Et elle, non seulement elle le rejette, mais elle le confronte. Elle va le confronter jusqu'à vouloir à le tuer. D'ailleurs, les premiers discours de Pierre, hein? Les premiers discours où Pierre va dire à la nation, au chef, « Vous l'avez crucifié. » Alors que Pilate voulait le relâcher. Il le trouvait innocent. « Vous autres, vous l'avez crucifié. Vous avez voulu vous en débarrasser. » Mais Israël n'est pas puni pour avoir fait ça. C'est pour avoir rejeté le Messie. Et on n'est pas en guerre contre les Israélites. Si on est aujourd'hui des croyants, c'est parce que Dieu s'est servi de cette nation-là pour nous révéler son Fils. Et c'est un privilège énorme. Donc, dans notre cœur, on aime les Juifs et bien qu'ils sont rebelles. Et tous les croyants que j'ai pu rencontrer, les véritables croyants que j'ai rencontrés sur cette terre, aiment les Juifs. Mais ils n'aiment pas nécessairement ce qu'ils font, mais ils apprécient parce que Dieu s'est servi d'eux pour nous révéler son Fils. Fait qu'on a hâte de voir Israël se convertir. Vas-y, Jean-Claude. Physiquement, tu ne l'as pas vu, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. C'est quoi le passage? Demande la référence exacte de ton passage. 1 à 3, OK. 1 Jean 1, 1 à 3. Oui. Par le Saint-Esprit, c'est ça qui est extraordinaire. Mais il y a plein de gens qui connaissent ces paraboles-là et ils sont dans le brouillard. Par rapport à la foi. Et ça, évidemment, c'est universel. Si tu es avec Jésus ou tu es contre Jésus, tu n'es pas entre les deux. Tu ne peux pas juste être indifférent avec Jésus. Être indifférent avec Jésus, c'est participer à ceux qui l'ont crucifié. Évidemment, on a tous participé à le crucifier parce qu'on était tous des pécheurs. Mais on a accepté le plan de Dieu à travers Jésus-Christ. On a accepté le salut qui nous a été offert. Donc, ça place le contexte de nos paraboles. Et les sept paraboles qui ont été choisies par Dieu pour le chapitre 13 de Matthieu qu'on va voir sont axées particulièrement à raconter l'œuvre de Dieu. Trop souvent, on prend ces paraboles-là pour faire une application personnelle avec. Moi, je vous dis, et je parle à ceux qui vont prêcher après moi, axez davantage à voir l'œuvre du Sauveur. Et on va regarder la première parabole dans ce contexte-là un petit peu. Hein, un semeur sorti pour semer. D'ailleurs, le nom de la parabole, c'est Jésus qui le donne lui-même. Il dit, écoutez vous-même la signification de la parabole du semeur. Hein? On était rendu pas loin de là. 18. Hein? Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. C'est une des rares paraboles où Jésus lui-même donne le nom de la parabole. Intéressant. Parce que les autres paraboles, c'est des sous-titres dans vos Bibles. Vous êtes d'accord? L'histoire est racontée, mais il n'y a pas nécessairement le titre de la parabole. La parabole du semeur, oui. Et c'est Jésus qui l'a donné. Il dit, un semeur sorti pour... Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, il ne la comprend pas. Le texte de la parabole dit, un semeur sorti pour semer. Il est sorti d'où, notre semeur? Et qui est le semeur? N'ayez pas peur. Plongez. Jésus, hein? C'est ça que tu me dis, Daniel, à travers tes lèvres. Je lis sur tes lèvres. C'est Jésus, le semeur. Il est sorti d'où? Du ciel. Hein? On vient de chanter, hein? avec le Christ de l'origine, puis d'essence divine. Il est sorti du ciel, il est sorti pour semer. Il sème quoi? La parole du royaume. C'est ça qui nous fait dire que la première parabole, celle du semeur, est une parabole qui est consacrée à expliquer le royaume des cieux. L'autre expression qui revient que dans Matthieu, c'est le terme royaume des cieux. Cette expression n'existe que dans l'Évangile selon saint Matthieu. Elle n'existe pas ailleurs. Matthieu va utiliser dans quatre versets le royaume de Dieu. Mais tout le reste de l'Évangile, c'est le royaume des cieux. On ne sait pas pourquoi. Je n'ai pas trouvé d'explication. J'ai lu quelques commentaires à ce sujet-là. Puis je ne les ai pas trouvés probants. J'ai fait quelques vérifications ensuite des commentaires, puis je ne les ai pas trouvés probants. Et si vous lisez certains passages dans Matthieu, vous allez les lire dans Luc ou dans Marc, ça va être écrit « Royaume de Dieu à la place du royaume des cieux ». Donc, on va les considérer comme étant de signification identique. Mais si jamais vous avez une explication à ce choix de terme qui est fait dans l'Évangile de Matthieu et qu'on voulait en partager, on pourra étudier ensemble le sujet, là, mais je ne suis pas capable de distinguer. Puis je vais plutôt que de vous raconter une histoire, non. C'est pas mon genre, donc je vais rester avec cette histoire-là. Mais si vous lisez Matthieu, presque tout l'Évangile de Matthieu est fait avec le royaume des cieux. Selon moi, c'est presque équivalent, parce que celui qui va régner sur le royaume des cieux, c'est Jésus-Christ. Et le royaume de Dieu, bien, c'est aussi Jésus-Christ qui règne dessus. Oui, Valérie. Oui. Mais c'est difficile de donner un sens précis. Peut-être qu'il y en a qui vont le trouver, puis moi, Dieu ne l'a pas révélé maintenant. Non? Fait que, mais je vous dis, j'ai regardé le dictionnaire biblique de Genève, qui est quand même quelque chose d'assez sérieux en termes de commentaires. J'ai regardé un autre aussi, puis les explications qui sont données, c'est... Il y a des théologiens qui disent que parce que Matthieu écrivait à des Juifs, il fallait qu'il limite l'utilisation du nom de Dieu. J'ai vérifié le nombre de fois qu'il utilise le mot Dieu dans son évangile, dans l'évangile, et c'est 50 fois. Ça fait que c'est pas vrai. Même s'il n'utilise pas le terme royaume de Dieu. Ou très peu. Comprenez-vous? Vous voyez le genre d'explication des fois là, qu'on lit dans des commentaires, puis si on reste avec ça, on ne prend pas la peine d'aller vérifier, ça ne marche pas. Fait que pour moi, ça ne marche pas, ça, cette explication-là. Bien, il y en a d'autres, là, mais celle-là était facile à expliquer. Donc, on continue l'explication. Fait que le semeur, c'est Christ. Il est sorti du ciel pour venir porter une semence. Et il nous explique que la semence va tomber dans quatre sortes de sols. Dans le fond, c'est une parabole des sols. Le premier sol, c'est sur le bord du chemin. Le deuxième, c'est les endroits pierreux. Le troisième, c'est les endroits avec des épines puis des ronces. Puis le quatrième, c'est de la bonne terre. Il y en a qui ont voulu séparer le monde en pourcentage avec ça. Les trois quarts du monde ne sont pas capables d'accueillir la parole de Dieu. Puis il y a juste 25% de l'humanité qui veut l'accueillir. La parabole ne dit pas ça, mais pas du tout. Fait que tombez pas dans ce genre de raisonnement-là non plus. Il n'y a pas de pourcentage ici, non? Jésus décrit une réalité spirituelle qu'on doit essayer de comprendre comme une réalité spirituelle. C'est que la semence ne peut porter du fruit que seulement si et seulement si elle tombe dans de la terre bonne. Donc, il y a quelqu'un en arrière du semeur, ça peut être le semeur lui-même, hein, il s'est transformé de laboureur en semeur, qui a préparé le sol, qui a fait en sorte qu'il y a un sol qui est bon pour la croissance de la semence. Rémi. Oui. Encore là, tu seras pas d'établir le pourcentage. Je ne connais pas le nombre exact de personnes qu'il y avait sur la Terre à ce moment-là. Oui, c'est beaucoup moins que 25%. C'est vrai. C'est un fait. Merci, Rémi. Donc, on ne peut pas faire ce genre d'application-là, babette, là, sur le nombre de personnes. Et Jésus, ici, est en train de révéler une réalité spirituelle à ceux qui sont ses enfants. Nous, nos enfants, c'est qu'on doit, savoir que le fruit qui est porté par la semence du royaume. Aujourd'hui, c'est nous qui portons la parole du royaume. Elle nous a été donnée, on la transmet. On se retrouve un peu dans le rôle du semeur en étant, bien qu'on n'ait pas le semeur qui est sorti du ciel pour la révéler au monde. On est d'accord? Si Dieu nous donne cette parole-là, c'est parce que quand la parole est annoncée, on arrose autour de nous. Ben, c'est-à-dire, on sème autour de nous, on arrose. Je n'ai pas un boyau d'arroseur avec moi. Mais aujourd'hui, on peut acheter de la semence qu'on met dans un nacelle liquide et on peut arroser. Mais c'est pas notre cas. Quand on sème, ben, il y en a une partie qui va tomber dans quelque chose, ça ne poussera pas. Si ça pousse, ça va sortir, ça va sécher, peu importe. La situation n'a pas changé dans l'humanité. Et seulement celle qui porte du fruit, et ici, on doit sous-entendre, évidemment, dans l'exemple que Jésus donne, un grain donne 100, un autre 60, un autre 30, on peut supposer que c'est du froment ou du blé, parce que les épis de blé, c'est à peu près le nombre de grains que ça peut produire. Ça peut être d'autres céréales que celle-là. Donc, puis on le voit dans les autres épîtres, dans l'autre parabole, celle de l'ivraie et du blé, que la semence qui est utilisée en exemple, c'est la semence du blé. Vous êtes d'accord? Fait qu'on peut supposer ici que ça s'apparente au blé. Et si la semence que tu as mis à un endroit ne porte pas une tige avec un épi de blé, avec un certain nombre de grains de blé, il n'y a rien qui s'est produit. La parole a été étouffée. Dans le fond, c'est juste ça que ça dit, la parabole. Elle ne dit pas qu'on doit modifier la terre du chemin pour qu'elle entende. Non. Elle ne dit pas qu'on peut enlever les cailloux. Les cultivateurs enlèvent des cailloux à des places. Il y a des terres de roche, vous connaissez ça, l'expression terre de roche au Québec. Les cultivateurs eux-mêmes ont renoncé à faire toutes sortes de cultures là-dedans, parce qu'ils mettaient tellement d'énergie que ça ne marche pas. Les terres de roche, ça existe. Hein? Ça existait à l'époque aussi. Si vous mettez de la semence dans un haie de framboisier, c'est-tu rampant, les haies de framboisier, Gilles? C'est difficile de faire pousser de la pelouse là-dedans. Ou du blé. Ça va être étouffé. Tellement évident le sens de cette parabole-là. Il y a seulement que la semence qui tombe dans la bonne terre qui donne du fruit. Donc, nous, on est exhorté à regarder, à reconnaître les faux prophètes parce qu'ils ne portent pas de fruit, ou le fruit qu'ils portent est vraiment malsain. Donc, on reconnaît un arbre à son fruit. Hein? C'est Jésus lui-même qui nous dit ça ailleurs. Donc, il donne ici à ses disciples de reconnaître que la terre qui porte des bons fruits, le cœur humain qui va porter un bon fruit, c'est lui qui est un enfant de Dieu. Oui? Ouais. Ceux qui ont fait de l'agriculture un peu ou qui ont fait des jardins, ils savent très bien que la terre ne peut pas s'amender elle-même. Amender dans le sens s'engraisser elle-même, elle demande des efforts de la part de celui qui va planter des graines plus tard. Des fois, c'est les mêmes personnes. La parole nous dit qu'il y en a d'autres. Autre, c'est celui qui sème, autre, c'est celui qui récolte. Mais ici, on est au niveau du semeur, de la semence. Et de l'action de semer, donc c'est clair que ça a été préparé par quelqu'un. Donc la bonne terre, c'est de la bonne terre, mais elle n'est pas préparée. C'est pas la terre elle-même qui se prépare par elle-même. Vous êtes d'accord? Donc c'est un état. On n'insistera pas sur cette déclaration. C'est vrai. Le fumier spirituel. L'engraissement. Donc, si j'en fais un résumé, quatre types de... Jésus est le semeur, et aujourd'hui, on peut dire que Jésus nous a confié la responsabilité de, d'envoyer de la semence spirituelle autour, dans, le, dans les terres qui sont devant nous. La semence, bien évidemment, c'est la parole du royaume. La parole du royaume, évidemment, à ce moment-ci, elle n'est pas expliquée complètement. Mais pour faire partie du royaume de Dieu, il faut avoir la binnos. Pour avoir la binnos, il faut passer par Jésus-Christ. Donc, avec tout ce que ça implique. Donc, c'est l'Évangile. La parole du royaume, c'est l'Évangile. La bonne nouvelle de Christ. Il y a quatre types de personnes qui peuvent recevoir de la semence. Donc, le monde dans lequel on sème est comme ça, composé comme ça. Et ça peut nous faire réfléchir dans le sens que des fois, on met de l'insistance beaucoup sur certaines personnes. On essaye de transformer le sol. Puis on n'est pas capable de faire ça. Parce que la déclaration d'Omar, c'est que même si quelqu'un l'a préparé, c'est pas nous qui pouvons préparer le sol. C'est vraiment un travail du Saint-Esprit. Aussi dur que ça puisse être d'entendre ça pour certaines personnes qui sont proches de nous puis qu'on voit malheureusement s'en aller dans le mauvais chemin ou de ne pas être capable de réagir correctement à la parole ou à l'Évangile ou à la parole du royaume, on ne peut pas changer ça. On ne peut que saupoudrer la semence. Et là où elle porte du fruit, bien, on doit constater que le sol qui l'a reçu et qui porte du fruit, c'est celui qui appartient au Seigneur. Ça fait que si je finis de lire l'explication de Jésus, après ce qu'on a dit, verset 19, « Lorsqu'un homme écoute la parole du semeur, du royaume, il ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur, et cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. » Ça vous fait penser à quel autre événement que Jésus a vécu avec quelqu'un d'autre? Le jeune homme riche. Daniel répond, là. Je te dis, je vais te donner 100%. Le jeune homme riche. Je me rappelle l'histoire du jeune homme riche. Il vient voir Jésus. Que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? Bon, tu connais les commandements. Ah, j'ai fait ça depuis ma jeunesse. Tralala. Bon, ben bon, il te manque quand même une chose. Marc 10, OK. Il te manque quand même une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, et viens et suis-moi. Et pour cet homme-là, c'était vraiment le défi. Il s'en alla tout triste. L'histoire ne dit pas ce qui est arrivé plus tard, là, mais au moins, à cet endroit-là, c'était étouffé. Parce qu'il était venu sincèrement demander, il était joyeux de voir Jésus. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Regarde. Celui qui a reçu la semence, verset 22, parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais que les soucis du siècle, la séduction des richesses et tout, cette parole la rend infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, la comprend, il porte du fruit, un grain, il donne 100, un autre 60, un autre 30. Et il leur propose une autre parabole qui va expliquer une autre facette du royaume des cieux. Ici, le semeur, il va le dire, je ne vais pas embarquer tout de suite, mais ça va être clairement associé à Jésus-Christ. Et il va y avoir d'autres paraboles. Je vais vous rappeler les sept paraboles là, qu'on va voir en ligne. Je ne vais pas les voir ce matin. Le semeur ou les quatre terres, c'est celle qu'on vient de voir. Le blé est livré dans le champ. Le grain de sénévé, le levain dans la farine, le trésor caché dans un champ, le marchand qui a trouvé une perle de grand prix et le filet jeté dans la mer. Souvent, j'ai entendu souvent des prédications sur particulièrement Le trésor, le levain dans la. Pas le levain, mais. Le trésor caché dans un champ et la perle de grand prix. Puis, je faisais une application personnelle, dans le sens, ah, c'est ça que j'ai fait. Quand on m'a parlé de la parole du royaume, j'ai pris ça comme un trésor, puis je suis allé. Et Jésus est en train d'enseigner ici sur ce que lui a fait. Et la perle de grand prix, au lieu d'être moi qui saisis la parole de Dieu, si c'était Jésus-Christ qui saisit que l'Église, qui n'est pas encore là, mais qui va venir, et la perle de grand prix. Et lui, il a vendu tout ce qu'il avait pour venir la chercher. Pour ça, je vous dis, il faut regarder ici en fonction de celui qui nous enseigne ici sur le royaume. Et c'est lui qui a tout fait pour ça. Je vous le dis, je ne veux pas embarquer plus loin parce que je vais laisser la possibilité à d'autres de vérifier ces points-là. Et regardons toutes ces paraboles-là, là. Puis il y a une huitième parabole qui est du royaume, qui est dans Marc 4, qui n'est pas avec les sept que Matthieu a choisi, Matthieu ou Saint-Esprit a choisi dans Matthieu. C'est Marc 4, 26, 29. Définitivement, c'est dans le même événement, quand on fait la correspondance dans les deux. Et c'est la moisson du blé arrivé à maturité, là. C'est encore un semeur qui a semé, là, puis là, ça a poussé, sans que le semeur ait besoin de s'en occuper, ça pousse jour et nuit, puis à un moment donné, bien, ça produit du fruit, puis quand c'est mûr, bien, on passe la fossée et on ramasse. C'est intéressant celle-là aussi, mais elle n'est pas dans notre texte de Matthieu 13. Mais elle a définitivement été prononcée en même temps, par le contexte, là, qu'on peut le dire, que celle que que Jésus aurait donnée soit sur le bord du lac, soit dans la maison après. Ça va? Fait que, si ce matin vous êtes un enfant de Dieu, bien, réjouissons-nous d'avoir ce privilège-là de connaître les mystères du royaume. Il y en a plein de mystères dans le royaume, dans le Nouveau Testament. Je vais vous en lire, j'en ai une liste ici, là, quelqu'un a fait ça pour moi. Matthieu 13:1, là, les mystères du royaume des cieux, on l'a vu. Luc 8:1, les mystères du royaume de Dieu, ça doit être dans le similaire. Romains 11:2, ce mystère, après trois petits points, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Vous vous rappelez ce passage-là? Romains 16, 25, trois petits points, du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant, à la fin des siècles. 1 Corinthiens 4, 1, des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Et là, évidemment, ça parle des disciples que nous sommes. Éphésiens 1, 9, le mystère de sa volonté. Et ça, c'est des privilèges que nous, on a. Aujourd'hui, c'est plus mystérieux pour nous. Le mystère de la volonté de Dieu, on la connaît. Elle est en Jésus-Christ, elle a été manifestée. Vous comprenez? Mais quelqu'un qui lit ça de l'extérieur, il ne comprend rien. Ou il fait n'importe quoi avec ça, il fait dire des choses à Dieu qu'il n'a pas dit. Éphésiens 3, 2 à 3. Comment je fais part de la grâce de Dieu? C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Là, l'apôtre Paul parle de son expérience personnelle. Comment lui, Dieu s'est révélé à lui. Lui a révélé les mystères qu'il ne comprenait rien avant. Ou qu'il ne savait même pas qu'ils existaient. Colossiens 2, 2. Le mystère de Dieu, savoir Christ. Colossiens 4, 3, le mystère de Christ. 2 Thessaloniciens 2, 7, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Vous vous rappelez ce passage-là? 1 Timothée 3, 16, le mystère de la piété est grand. Apocalypse 1, 2, le mystère des sept étoiles qu'il tient dans sa main. Les sept étoiles sont les sept églises, là. Apocalypse 10, le mystère de Dieu s'accomplirait. Hein, c'est dans la vision que Jean a. Apocalypse 17, le mystère de Babylone, la grande. Moi aussi, je te dis un mystère. Babylone, la grande, un mystère. On ne les comprend pas toutes parfaitement, nous, les enfants de Dieu. Mais il est clair que ça fait partie du plan de Dieu de nous les révéler en son temps, évidemment. Ça va? Privilège. Maintenant, si tu veux bénéficier des mêmes privilèges ce matin, puis tu n'appartiens pas au Seigneur Jésus, ça ne peut pas commencer autrement que par Jésus-Christ. Si tu as confronté toute ta vie jusqu'à maintenant Dieu, sache que Il est éternel et toi, ta vie est appelée à finir rapidement. Donc, tourne-toi vers Jésus-Christ. Et ce privilège-là, ce bonheur-là va être aussi pour toi. Ça va? Michel?